Enquête. Le lendemain soir, le jour s'en étalait depuis plus d'une heure, tandis que je pédale en direction de la roue qui file, en quête de Rustine et d'un brin de compagnie. En approchant du but de ma promenade, je remarque à nouveau avec effroi la silhouette féminine qui volette parmi les arbres du parc de la rue de la Bâtisse. Je ne m'arrête pas cette fois-ci, je me fais tout petit en roue libre, en me jurant de faire un détour les prochaines fois. Après nos salutations amicales, je manœuvre pourtant à aimer. « Ah oui, tu veux parler de Lila, je suppose. Elle te plairait, celle-là, aussi toquée que toi. Tu sais quoi? Il paraît qu'elle s'amuse à écrire des poèmes sur des feuilles d'arbres. Non mais t'imagines. Remarque bien que ça n'a pas l'air d'être une mauvaise fille. Elle a toujours habité le quartier, elle fait partie des murs, quoi. Ses parents sont morts quand elle était gamine. Incendie, je crois. Et depuis, elle vit seule. De quoi? Pas de ses poèmes, en tout cas. Je crois qu'elle fait des petits boulots de repassage, des ménages, enfin, tu vois, tout ce qui permet de gagner 3 sous. Tu lui as déjà parlé? Une seule fois. On lui a piqué la roue de son vélo. Je lui en ai dégoté une dans le fond du magasin. Je la lui ai donnée, bien sûr, tu me connais. Elle m'a très aimablement remercié, puis elle m'a offert 3 pots de confiture d'abricot maison quelques jours plus tard. Un régal. Mais dis-moi, Miloche, tu t'intéresses aux filles maintenant? Ah non, non, c'est par curiosité, c'est tout. C'est étrange. Quelque chose en moi me pousse à en savoir un peu plus sur cette fille. Je brûle d'envie, en vérité, de demander à Aimé de se renseigner davantage sur elle. Mais il va penser que j'ai une idée derrière la tête, je le vois venir. Je serais juste fort curieux de savoir ce qu'elle fait de ses poèmes. J'aimerais simplement en lire un. Ou deux. J'aime les personnages qui ont l'air de sortir tout droit d'un monde parallèle. Mais n'y pensons plus, ça va me déconcentrer. Et j'ai beaucoup de travail en ce moment. Je détourne la conversation, puis je traîne encore un peu chez Aimé. Nous buvons une tisane, nous parlons, je repars à la maison.